Chapitre 332. La réprobation de dire « Oh Allah, pardonne-moi si tu veux », mais il faut au contraire demander avec résolution. 1743. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, a dit « Qu'aucun d'entre vous ne dise « Oh Allah, pardonne-moi si tu veux. Oh Allah, fais-moi miséricorde si tu veux. » Mais qu'il demande avec résolution, car nul ne peut contraindre Allah. » Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version de Muslim, « Mais qu'il soit résolu et qu'il exprime son désir sans s'imposer de limites, car rien n'est trop grand pour Allah. » 1744. Anas radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit « Lorsque l'un de vous invoque Allah, qu'il le fasse avec résolution et qu'il ne dise pas « Oh Allah, donne-moi si tu veux » car nul ne peut contraindre Allah. » Al-Bukhari et Muslim.